journal s'achève doucement. Il me reste encore à remercier notre invité de ce midi, Pierre Kroll, d'avoir été avec nous. Et je vais rappeler que vous sortez en ce moment Habemus Papam, votre 11e album, qui est d'ailleurs sous-titré « Et Bruxelles à Villevorde », c'est chez Luc Pire. Alors, un nouveau pape, le communautaire en Belgique, c'est sans doute pour souligner que vous ratissez large dans cet ouvrage. Hein. C'est en fait, disons-le, un recueil des meilleurs dessins que vous avez réalisés pour tous les médias pour lesquels vous travaillez, c'est ça? Oui, c'est ça. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai voulu vous interrompre pendant que vous parliez de football pour vous dire que demain, le Standard allait battre Westerlo. Et j'ai fait l'information avant. Très bien. Oui, c'est un recueil, c'est une tradition maintenant. C'est le 11e album. Et ce sont des dessins tirés du journal Le Soir, mais dans ce cas-ci, ils sont remis en couleur, puisqu'ils sont publiés en noir et blanc dans Le Soir. Ce sont les meilleures planches de l'hebdomadaire Télé Moustique. Et justement, ces dessins de mise au point, enfin, une sélection des dessins que je réalise le dimanche à mise au point. Et effectivement, ça va de l'actualité internationale à l'actualité la plus locale parfois. Et dans le temps, ici, on parcourt une année, c'est-à-dire que ça commence à peu près à la mort d'Arafat et puis la désignation d'un nouveau pape, jusque le plan Marshall et la démission de Van Coenberg. Bien, merci beaucoup Pierre Kroll d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle donc que l'on vous retrouve notamment dans Mise au Point. Demain midi, c'est sur la Une Télé. Merci beaucoup.